Zéro heure. Bon, voilà. On est 10h du matin, c'est ça à peu près, Riri? Ouais. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller à l'Izoard. Bon, je fais ça pour, surtout pour Sylvie, parce que tous les autres, vous voyez les photos. Nous, on voit jamais les photos. Donc j'ai décidé, pour vous emmerder, de vous parler un petit peu. Du coup, cette nuit, il a plu. Et la neige est descendue petit à petit. Et ce matin, c'est un peu... verglacé. Voilà. Donc on part pour manger à l'Izoard. Et là-haut, on va retrouver un de nos copains. Un gay pride. Qui a fait la gay pride de je crois que c'est Moulin-en-Kera. De Moulin-en-Kera, voilà. Alors j'espère qu'il va pas arriver habillé en rose. Là pour le coup, s'il est habillé en rose, on vous fait une photo quand même. Bon, et je vous fais des vocaux un peu toute la journée. Du moins, vous n'allez pas les recevoir tout de suite, je ferai un petit montage après. Allez, bye. Enregistrement d'un audio propre. Terminé l'enregistrement. 0 heure. Alors il y a ces grands ciels bleus, il a neigé cette nuit, les arbres sont recouverts de neige, la route aussi. C'est d'une beauté magnifique, avec un grand ciel bleu surtout. Voilà, on est juste au-dessus de Briançon, qu'on a fait, je sais pas, 3 km peut-être pas, même pas. Et en fait, pour ceux qui connaissent Font-Christiane, la décharge, là, tout ça, on est juste après dans les premiers virages qui montent à Servières. On va attaquer la grande ligne droite de Terre Rouge et c'est vraiment, ça faisait vraiment une limite pluie neige là quoi, c'était vraiment là quoi. Terminé l'enregistrement. 0 heure. Bon, on arrive au loup. C'est plein de monde quand même. Les gens sont quand même bien sortis aussi. On n'est pas les premiers à 10h du matin, on n'est pas les premiers. Bon, on est parti de Briançon, il faisait plus 1 à 1300-1200 mètres. Et là, on est à peu près 1008 et il fait moins 6. Glagla. Terminé l'enregistrement. On est debout. 0 heure. Il n'y a pas du tout de dommage. Et ça va être dur, je pense. Enregistrement d'un audio. Terminé l'enregistrement. Oui, WhatsApp. Enregistrement d'un audio 3 points. Voilà, donc on est dans la montée. Je suis enfin arrivé à mettre le message vocal parce que j'ai dit, putain, je suis essoufflé, c'est pas normal. Mais je marche en bâton et je trifouille ma montre. Donc c'est pour vous dire que, en fait, les Champs-Élysées. C'est ici. D'après Riri, je dis bien d'après Riri. Moi je peux pas vous dire. Riri. On a doublé des personnes, un groupe au moins de 10. Et il reste encore au moins 15 personnes devant nous. À vue, bien sûr. Là on a fait déjà 2 km. Et le. Ça rend rien quoi, on mouline un peu. Mouline. Terminé l'enregistrement. 0 heure. Bon, je suis toujours avec Riri. Hein. Il s'est pas échappé, je me suis pas évadé. Et là, il vient de dire, oh, enfin, ça porte un peu. Et moi, j'ai répondu, arrête de te plaindre. On dirait une femme. Ouais, parce que le salaud, il marche au bord, et c'est dur. Moi, je marche dans la poudreuse. Je vous explique. En fait, moi, je fais 65 kg, il en fait 85. Tu vois d'où vient la poudre? Enregistrement d'un audio 3 points. Terminé l'enregistrement. Enregistrement d'un audio 3 points. Enregistrement d'un audio 3 points. Enregistrement d'un audio. Terminé l'enregistrement. Bon, petite pause pour faire glouglou. Là, on est à 1h15 de trajet. Je pense qu'on a dû faire au pas loin de 5 km. Il nous en reste moins de 2. Allez, je pense qu'avant midi et quart, on est là-haut, quoi. Bon, c'est vraiment une galère à marcher. Je pense que si on en avait amené certains ou certaines, ça aurait râlé. Putain, fais chier, comme putain. Enregistrement d'un audio. Terminé l'enregistrement. Bon, 0 heure. On va vous faire le menu. Allez, mon Riri. Un rôti d'agneau du lot de chez Maillet avec petite. Quoi ? Pomme de terre grenaille. Ah, pomme de terre grenaille, haricots verts. Après, il y a pâte du jour, c'est spaghetti à la bolognaise. Tarte salée du moment, chèvre, miel, noix, bruschetta du moment, lardon, oignon, thom, reblochon, crème, soupe du jour, c'est potage de légumes anciens, et bon appétit. Il y a quelqu'un qui va vous dire bonjour. Eh bien, bonjour, je ne sais pas qui je dis bonjour, mais je dis bonjour. En fait, je vais voir. En fait, je fais des enregistrements Gigi, parce que tout le monde fait des photos, et moi je ne les vois pas. Alors moi, maintenant, je fais des sonores. Oui, enregistrement d'un audio propre. Enregistrement d'un audio propre. Terminé l'enregistrement. pression. 0 heure. Pour arriver. Bon, voilà, on a fini de manger. On a mangé un rôti d'agneau. Et là, d'un coup, il fait comme ça, j'ai réussi à faire. Et là, il raconte ses exploits. Et la récique. Des chardes. Putain, oui. Il n'y a pas encore parlé d'infirmières, mais ça n'a pas tardé. Il y avait des infirmières. Ah ouais. Il y avait des petites jeunes, là. Alors moi, je le soupçonne de se faire semblant, ou même exprès de se faire mal, pour aller voir les infirmières. J'avais pris un photo d'infirmière, en plus. Ah non, les chardes, pardon. Bon, on est au café, j'ai un spéculo dans la bouche, pour les précisions, et là, Gigi vient de sortir la carte. La carte, donc. En fait, ils sont en train de parler pour la randonnée de la semaine prochaine. Oui. Eh ben. C'est normal qu'il y ait la mer à côté, là ? Oui. C'est normal qu'il y ait la mer à côté ? Oui. T'es trompé de carte ? Il a pris Saint-Raphaël. Du Mélésé. Voilà. Allez, si vous voulez Mélésé. Enregistrement dans l'audio. Terminé l'enregistrement. C'est là. Et après, t'as le lac, là ? Voilà. Bon, on a fini le repas, là ? Riri ? On accompagne Gigi à... oui, jusqu'au col. Oui, j'ai peur qu'il se perde parce que tu sais, là il commence à avoir du brouillard, le temps se dégrade. Et puis il a beaucoup bu. Il a eu droit de la chartreuse en plus café et Riri un limoncello. Et moi, ben, c'est le mois de janvier donc j'ai pris un café. Quoi. Ouais. Enregistrement d'un audio. Terminé l'enregistrement. Bon là, c'est le meilleur moment de la journée. Du moins, j'en ai déjà eu un tout à l'heure, mais. Je vais faire pipi. Écoute. Je t'avais prévenu. C'était ingrat, ça. Voilà, vous avez. Vous vouliez venir avec nous ? Vous venez avec nous. Bon. Je sais pas si je vais le compiler celui-là. Je vais d'abord l'écouter, voir si c'est pas trop dégueulasse. Hein. Bon, il n'y avait pas Gilbert, vous avez eu de la chance. Hein. Enregistrement d'un. Terminé l'enregistrement. Bon, la randonnée est finie, il est 5h15 et on est dans la voiture. Allez, je vais essayer de faire un mix de tout ça. Mais moi, j'ai passé un bon moment. Riri, je pense aussi. Et Gigi, il est. Ça a été très très bien. Dure la montée, meilleure la descente. Et Gigi était heureux comme un pape. Bye bye.